Chapitre 21e. En annonçant à Jérôme Korff et à M. Serpier la mort de Vacariades, le secrétaire particulier du chef de la Sûreté avait expliqué que l'administration de la prison ignorait encore la cause du décès du bandit. Cette cause devait être élucidée. Quelques heures plus tard, l'autopsie ayant révélé que Vacariades avait absorbé un poison violent à base de curare, qui avait provoqué une mort rapide par empoisonnement du sang. Comment s'était-il procuré ce venin? Mystère. Mais l'avis unanime fut qu'il l'avait sur lui au moment où il avait été arrêté et avait réussi à le soustraire aux recherches à son arrivée à la Santé, ce qui lui avait été relativement facile, vu son faible volume. Une pilule de la dimension d'un plomb de chasse. Quoi qu'il en fût, Vacariades était bien mort. Et sa disparition rendait vains les espoirs qu'avait conçus Korff de le faire parler. Alors, plus aucune piste, ni d'Argoulian, ni de sa fille, ni de Piébald, de Teddy, de personne. L'énigmatique Triplix lui-même semblait s'être volatilisé. Qu'était devenu l'automobile avec laquelle Piébald, Argoulian et Teddy avaient fui dans l'accroc? Personne ne l'avait vu. Seul l'avion, et qu'il avait enlevé, avait été retrouvé vide, naturellement. Plus le moindre indice, rien. Joe Blanquette, arrivé chez M. Serpier quelques minutes après Korff, avait manifesté un profond dépit en apprenant la mort de Vacariades. Les aveux du prisonnier constituaient pour lui aussi un dernier espoir. Pourtant, ni Korff ni Blanquette ne se découragèrent. Le jour même, le patron de la Grappe d'Or, le bar de la rue Montpensier, où avait été arrêté Vacariades Bourglifiant, fut appréhendé ainsi que sa femme. Une perquisition effectuée aussitôt n'apprit rien aux policiers. Le bar avait deux entrées, cela Korff le savait. Dans une armoire placée dans l'arrière-boutique, l'on découvrit des pots de fard, des vêtements de toutes sortes, uniformes, livrées, habits. Le patron du bar, interrogé à ce sujet, affirma que ces défroques provenaient d'un de ses cousins, acteur de cinéma, mort quelques années auparavant et qu'il n'avait pas eu le temps de vendre. Ce à quoi Korff fit justement observer qu'un des uniformes composant cette extraordinaire collection, un uniforme de contrôleur des bateaux parisiens, n'avait été adopté qu'un mois auparavant. Cela se peut, fit le marchand de vin sans s'émouvoir. Vous comprenez bien que je ne vis pas de l'air du temps. Plutôt que de laisser s'abîmer ses costumes, j'ai préféré les louer à des étudiants qui veulent se déguiser ou à des figurants de cinéma. Il se peut qu'on m'ait rendu un uniforme à la place d'un autre. Je ne vérifie pas. Voulez-vous me donner les noms de quelques-uns de vos clients, insista Korff. Est-ce que je les connais? Ils viennent, ils me laissent un dépôt, et quand ils reviennent, je leur rends, si l'habit n'est pas abîmé, voilà tout. Très fort, mon bonhomme, tu as réponse à tout. Mais nous te pincerons quand même, conclut Korff. Il se trompait. Malgré toutes les recherches, toutes les investigations, malgré des interrogatoires répétés, le marchand de vin ne put être pris en flagrant délit de contradiction. S'il mentait, il mentait bien. Faute de preuves, il fallut le relâcher quelques jours après son arrestation. Entre-temps, Joey Blanquette n'avait plus fait que de rares apparitions à la Sûreté. Un matin, 2 jours après la mise en liberté du marchand de vin de la rue Montpensier, alors que Jérôme Korff venait une fois de plus informer M. Serpier que son enquête piétinait sur place, Joey Blanquette se fit annoncer. Le chef de la Sûreté ordonna de l'introduire. Peut-être apportait-il une nouvelle piste. Dès les premiers mots, Joey Blanquette se chargea de dissiper cette illusion. « Rien de neuf, » dit-il d'une voix un peu cassante. « Ces bandits sont plus forts que nous, monsieur Serpier. »« C'est bien la première fois, je vous le déclare, que j'abandonne une enquête après l'avoir commencée. Mais tout arrive. Je renonce. Je me rattraperai sur d'autres. Napoléon lui-même a perdu des batailles. » Et le hasard, lorsque je n'y penserai plus, me ramènera ces gentlemen, car je ne les oublierai pas. Je viens d'avoir des nouvelles de mes hommes, Callcott et Hepster, par l'intermédiaire de l'ambassade britannique. Callcott et Hepster sont fous, enfermés dans un asile à Château-Chinon, un médecin anglais et le docteur Courgan, qui visitait l'asile afin de se documenter sur les méthodes françaises de traitement, a reconnu Calgott, dont il avait eu le frère à son service. Et il a su ainsi que Calgott et un autre anglais avaient été rencontrés aux environs de Tours par la gendarmerie, divaguant en guenilles. Ils sont complètement déments. Pas de nouvelles du brigadier Harrison, ce qui me fait craindre que lui aussi soit fou ou mort. Yes, j'y renonce. Je suis donc venu prendre congé de vous, messieurs, et je vous remercie encore de l'aide que vous avez bien voulu apporter à mes recherches. Sans rancune, monsieur Korff, la vie est un combat. Mais où l'on ne se doit pas de se tirer dans les jambes quand on est du même camp, grommela l'inspecteur, qui n'avait pas pardonné à l'anglais son arrestation à Marseille. Oh, vous savez, monsieur Korff, j'ai bien cru que vous m'aviez joué la même pièce, et je ne vous en ai pas voulu. En tout cas, vous pouvez vraiment croire que vous avez toute mon estime, mon cher camarade. Et vous la mienne, murmura Korff sans conviction. Vous n'avez rien de nouveau, vous aussi, sur nos gens de l'affaire Jacobsen? Questionna Blanquette, qui paraissait las et dégoûtée. Rien, précisa monsieur Serpier. Comme moi, enfin, je pense qu'il vaut mieux s'occuper d'autre chose. Dans cette affaire, nous sommes mal partis, fit le détective britannique. Mais nous prendrons notre revanche, et je vous rassure, monsieur Serpier, que je serai toujours heureux et flatté de collaborer avec vous ainsi qu'avec monsieur Korff. Merci, fit l'inspecteur de la sûreté, en pensant à part lui que l'anglais ne manquait pas de toupet. Je pars donc, conclut Joey Blanquett. Si vous avez quelque chose de nouveau, avisez-moi à Scotland Yard. Pour ma part, je vous tiendrai au courant de ce que je pourrais savoir, quoique je n'ai plus grand espoir. Ce disant, Joey Blanquette serra les mains de M. Serpier et de Korff et se retira. Je pars, chef, s'écria Korff aussitôt que la porte du cabinet du chef de la sûreté se fut refermée sur l'anglais. Comment? Vous partez? Vous, oui, chef. Pour que Joey Blanquette vienne vous annoncer qu'il renonce à l'affaire, il faut au contraire qu'il ait trouvé la bonne piste. Je le connais. Il veut me semer définitivement, mais cette fois, il ne fera pas le coup de Marseille. Oh non! J'ai suffisamment d'argent sur moi. Je ne le quitte pas. Nous verrons bien. Enfin, allez, acquiesça M. Serpier, demi-convaincu. Korff, après une poignée de main à son chef, s'élança dans les couloirs à la poursuite de Joey Blanquette. Malheureusement, l'anglais connaissait maintenant très bien les couloirs du bâtiment du quai des Orfèvres. Quand Korff arriva à la porte extérieure, déjà le taxi amené par Blanquette et qu'il avait attendu était à plus de 50 mètres, et pas d'autre en vue. « Oh, je l'aurai !» pensa Korff qui, à toutes jambes, fonça à la poursuite de l'auto. Or, bien installé dans le taxi, Joey Blanquette, dont la physionomie à présent exprimait une joie concentrée et intense, relisait une lettre reçue le matin même. Une lettre libellée d'une écriture évidemment contrefaite, mais dont le contenu était singulièrement intéressant. On va le voir. Elle était ainsi conçue. « Monsieur Joey Blanquette, voilà plusieurs mois que vous poursuivez auto drôle William Grant, d'abord, et ensuite Argoulian et sa fille, et Teddy. Vous vous doutez de la vérité, mais vous ne la connaissez pas. Je veux vous renseigner. Carl Jacobsen a bien été assassiné. Ces assassins sont Autodrôle, Argoulian et Edward Clams, dit Teddy. Comme tout le monde dans le Pacifique Sud, Teddy et Autodrôle connaissaient l'existence du trésor de Carl Jacobsen. Les deux amis, car ils étaient amis à cette époque, résolurent de s'emparer des perles. Teddy se fit débarquer dans l'îlot et devint l'ami de Carl Jacobsen et de sa fille, qui était faible d'esprit. Un mois après l'arrivée de Teddy dans l'îlot Maiden, la goélette Margarita y relâcha. Autodrôle et le marchand de pierreries Argoulian, qui étaient allés dans le Pacifique pour acheter des perles, mais qui étaient près de la faillite, débarquèrent. Les quatre Canaques, hommes et femmes, qui composaient avec Carl Jacobsen toute la population de l'îlot, furent empoisonnés. Et la même nuit, le vieux Jacobsen, soumis à la torture, on lui brûla les pieds dans la braise jusqu'au mollet, dut révéler où étaient ses perles. Julia Jacobsen, endormie par un soporifique, ignora tout, ne s'aperçut de rien. Teddy conserva les perles. La Margarita repartit. En mer, Argoulian et Autodrôle en empoisonnèrent l'équipage et la coulèrent en vue de l'île Saint-Patrick où aborda Argoulian. Autodrôle, pour éviter les soupçons, ou plutôt pour les dépister, se fit recueillir en mer par le croiseur anglais Jaguar. Et vous savez ce qui se passa ensuite. Un des matelots de la Margarita, recueilli par le voilier français Anjou, dévoila ce qui s'était passé. Mais il n'y avait pas de preuve contre Otto Drôle, qui dut être relâché. Cependant, vous le surveillâtes. Pour vous échapper, il devint William Grant. Ce fut lui qui, aidé d'amis parmi lesquels Golias et Vacariades, se débarrassa de vos aides, Calcott, Hepster et Harrison. Mais pendant ce temps, Argoulian était revenu en France, où devait avoir lieu le partage des perles. Teddy devait les apporter, après s'être débarrassé de la jeune Julia Jacobsen. Elle avait été épargnée pour dérouter les soupçons. C'était Teddy qui l'avait voulu. Il avait son idée, qui n'était pas celle que pensaient ses associés. Teddy revint, mais avec Julia Jacobsen, qu'il allait épouser, ce qui devait lui permettre de berner ses complices. Ses complices, je veux dire son complice, car Teddy s'était mis d'accord d'avance avec Argoulian, qui empoisonna Otto Drôle. Otto Drôle, avant de mourir, se fit passer pour vous, et arriva ainsi jusqu'au chef de la sûreté française, à qui il raconta l'affaire. Teddy revint en France quelque temps après. Argoulian alla à sa rencontre. Mais Teddy lui déclara tranquillement qu'il ne connaissait rien de toute cette histoire et que les perles avaient été envoyées à Londres, à la Banque Formas, par Julia Jacobsen, et que Julia Jacobsen était sa femme, et donc il était le propriétaire des perles. Il mentait, n'ayant pas encore épousé Julia. Argoulian, aidé de certains amis, dont Golias, dont j'ai déjà parlé, déposa une bombe dans le Calais Méditerranée et suivit le rapide avec une auto appartenant au docteur Meraki de Nogent-sur-Marne. J'abrège, ce serait trop long. L'auto se trouva à point pour enlever Teddy et Julia Jacobsen qui avaient été drogués dans le train. Elle fut camouflée et transporta Teddy et Julia dans la maison de santé du dit docteur Meraki. Lorsque vous recevrez cette lettre, Teddy et le docteur Meraki seront sans doute à Nogent pour y prendre Julia Jacobsen et l'emmener en Angleterre, où doit avoir lieu le mariage. Aussitôt après la cérémonie, les nouveaux époux, qui ont tous les documents voulus, iront retirer les perles à la Banque Formas, 231 Cambridge Avenue. Et je vous indique aussi qu'Argoulian a un ami qui a enlevé Sonia Argoulian de la prison de Saint-Lazare et l'a cachée dans une maison de la rue des Minimes à Montmartre, numéro 22 bis. Argoulian, sa fille et leur ami y sont peut-être en ce moment. C'est cet ami d'Argoulian qui a cambriolé l'appartement de M. Korff, mais procédez aux arrestations nécessaires et vous saurez tout. Je n'ai écrit que la vérité. Ne croyez pas les mensonges de trois misérables bandits et hâtez-vous. Un ami de la justice.